Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Soyouz, ça veut dire union en russe. C'est une fusée qui, depuis l'arrêt des vols de la navette spatiale américaine, est désormais le seul engin à envoyer des individus dans l'espace que quand elle y réussit. Ils sont indemnes, mais reviennent de loin. L'américain Nick Hag et le russe Alexei Ovchinin ont retrouvé la terre ferme près de Baïkonour au Kazakhstan. La fusée Soyouz qui devait les emmener vers l'ISS a connu une défaillance. Résultat, leur capsule a dû être expulsée à 50 km d'altitude. Un accident rarissime. Deux minutes à peine après le décollage jeudi, un incident lors de la séparation des premiers et deuxièmes étages de la fusée Soyouz a provoqué l'extinction d'un moteur. Nick Hag et Alexei Ovchinin voyageaient alors à près de 7500 km/h. Si vous écoutez les voix de l'équipage, en particulier Alexis, le commandant, il n'a pas l'air terrifié du tout. En fait, il est calme, bien entraîné, il s'occupe du problème. Et je pense qu'il a fait un travail formidable pour amener sa capsule à la surface de la Terre. Tous les lancements de vols pilotés sont suspendus en Russie en attendant les résultats de l'enquête et l'identification des causes de l'accident. Le prochain vol vers l'ISS était prévu pour décembre. Isabelle Sourbès-Verger, vous êtes géographe, spécialiste de l'espace et chercheuse au CNRS. Alors, il faut tout d'abord nous expliquer ce qu'est Soyouz. Et puis ensuite, on va parler des échecs. Échecs relatifs, mais échecs tout de même. Oui, alors échec d'ailleurs d'autant plus tonitruant que ce lanceur qui est aussi le même nom, qui porte le même nom que la capsule qui transporte les cosmonautes, est réputé pour une extrême fiabilité depuis le début de l'ère spatiale, puisque en fait Gagarine partira dans l'espace en 1961 à bord d'un vaisseau Soyouz. Et c'est une originalité du système soviétique que le système russe a gardé, que de donner le même nom au lanceur et à la capsule qui lui est dédié, si bien qu'on a parfois des confusions. Il y a une capsule Soyouz qui reste amarrée à la Station Spatiale Internationale et il y a ce fameux lanceur qui emporte les hommes à bord de l'ISS. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça se présente sous la forme donc d'une fusée et au bout de la fusée, on a donc le fameux lanceur qui peut contenir toute une série de choses, voire des êtres humains. Oui, c'est ça. Et alors, vous avez différentes versions du Soyouz. On a d'ailleurs à Kourou une version du Soyouz qui est tirée par Arianespace, avec des ingénieurs russes d'ailleurs qui assemblent sur place le lanceur et qui n'est pas fait pour des vols habités, puisque nous, depuis Kourou, nous faisons des vols automatiques avec ce lanceur Soyouz. C'est vraiment, je dirais, la base de tous les lanceurs soviétiques, maintenant russes, avec le lanceur Proton et tous les deux sont hérités des années 60-70. Mais alors justement, on se pose cette question-là, Isabelle. Si ce lanceur il fonctionne depuis les années 60, comment peut-il avoir des avaries? Une technologie plutôt éprouvée. Alors c'est une technologie éprouvée, mais quand même, ils l'ont fait évoluer. Et en particulier, vous imaginez bien que tout ce qui est électronique, câblage, matériaux et même propergole a changé depuis toutes ces années-là. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des avaries? Ça a été la grande question que se sont posées les Russes eux-mêmes et la commission d'enquête, parce que effectivement, habituellement, c'est un procédé tellement éprouvé qu'il y a une sacrée certitude, je dirais, pour les gens qui embarquent à bord de la capsule. La difficulté très particulière aujourd'hui du spatial russe, et là on l'a retrouvé clairement, c'est le contrôle de qualité. Depuis des années et des années, le secteur industriel spatial pêche par défaut de contrôle qualité. C'est assez surprenant ce que alors, vous dites oui, là. Oui et non, parce que à l'époque soviétique, vous aviez des budgets tels et une demande, il n'y avait pas véritablement de demande de rentabilité. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas un process de contrôle qualité spécifique. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, finalement, les gens avaient la compétence, avaient les bons matériaux. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le secteur spatial russe est certes bien mieux financé qu'à l'époque Helsinki, mais il est quand même financé à hauteur d'un pourcentage très faible par rapport aux Américains. On va dire qu'aujourd'hui, ils sont peut-être à 5 milliards de dollars, là où les États-Unis ont 40 milliards de dollars. Donc, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans des ordres de grandeur. Et je parle de la totalité totalité de l'activité spatiale pour les deux pays. Donc effectivement, il y a un problème de budget et puis il y a un problème de changement de culture technique et de changement de génération. Donc plus de restructuration de toute l'industrie spatiale russe qui dure depuis plus de 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, on rogne sur la qualité. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec ce Soyouz ? On l'a entendu dans l'extrait qu'on a diffusé tout à l'heure. La fusée a monté ses astronautes à 50 km. C'est haut quand même, 50 km. En fait, ce qui s'est passé sur le Soyouz, c'est qu'il y a eu un problème au moment de la séparation des étages. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on dit du rapport d'enquête, à la fois, je ne sais pas, suffisamment de compétences techniques pour le commenter, et j'ai l'impression que le rapport n'est pas extrêmement clair, c'est qu'il y aurait eu un problème lors du montage à Baïkonour et qu'un capteur aurait été endommagé, si bien qu'il n'aurait pas su donner les bonnes informations, que les propulseurs ne se seraient pas détachés correctement et que c'est ça qui aurait déséquilibré la fusée. Après, ce qui a très bien marché et qui est rarement testé, heureusement pour les cosmonautes, c'est l'éjection de la capsule, qui leur a donc permis de revenir avec le parachute prévu à cet effet sur Terre et donc sur un lieu qui était parfaitement délimité. Ils ont été secourus très vite. Donc, si vous voulez, l'originalité aujourd'hui de l'industrie spatiale russe, c'est qu'elle n'a plus son tissu industriel qu'elle avait à l'époque soviétique. Il faut bien voir que l'industrie spatiale soviétique, elle avait été conçu après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans l'idée qu'il fallait aussi profiter de toute la profondeur géographique au cas où il y aurait à nouveau des guerres, des attaques même éventuellement par les Américains, etc. Et donc vous aviez des sous-traitants qui étaient un petit peu disséminés sur la totalité du territoire, y compris en Sibérie, même si une grosse partie restait en Europe. Et avec la restructuration de ce secteur spatial, la disparition de la priorité donnée au spatial en Russie, on a reconfigurer complètement l'industrie. Et les sous-traitants qui avaient l'habitude de travailler entre eux, eh bien, ont disparu pour une certaine partie. D'autres n'ont pas été recrutés aux époques Helsine parce qu'il n'y avait plus du tout de budget spatial. On n'imagine même pas qu'il n'y avait plus un copec qui était versé au spatial. Alors, ils faisaient quoi, ces gens-là ? Eh bien, ils survivaient. Alors, certains ont arrêté, ont complètement changé. Dans la génération que je connaissais dans les années 90, eh bien, ils sont devenus profs de langue, ils sont devenus ingénieurs ailleurs, voire d'ailleurs dans des secteurs biomédicaux. Et puis, globalement, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont vendu leurs compétences à l'étranger et ils ont survécu avec l'argent qui leur a été versé par les États-Unis, puisque très tôt s'est mis en place ce programme de station spatiale internationale dont on a pris des éléments du programme spatial habité russe, c'est-à-dire l'équivalent de la station Mir, le module de ressources plus les vaisseaux. Et ils ont aussi vendu des compétences par exemple aux Chinois, c'est comme ça que le programme spatial chinois a commencé à utiliser les capacités russes qu'ils se sont réappropriées derrière. Ils ont aussi vendu des lanceurs Soyouz aux Européens. Dites, Isabelle, il y a également un problème avec le spatial américain, puisque les budgets importants n'ont pas empêché la navette spatiale américaine, on se souvient du drame, d'exploser au décollage. Oui, alors là, c'est un tout autre problème. Le problème de la navette, c'est qu'en réalité, on a adapté progressivement les objectifs de la navette et sa technologie au fil des décisions politiques. Là, c'est vraiment l'exemple de... Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la navette spatiale, au départ, elle est conçue par les gens de la NASA après la fin du programme Apollo pour desservir une station. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'on va faire une navette pour aller nulle part. Sauf que le pouvoir politique, lui, il n'est pas prêt du tout à payer pour une station spatiale internationale. Et donc la NASA se retrouve avec son programme de navette qu'elle est obligée de faire vivre avec cet argumentaire qui reste au fond du cœur de tous les ingénieurs et managers de la NASA, qui est de dire, bah, une fois que j'aurai la navette, j'aurai la station. Parce que quand même, il y aura bien un moment où ça sera logique. Sauf qu'entre-temps, il faut la justifier, la navette. Et donc on dit qu'elle va servir à transporter des hommes. On dit qu'elle va servir à mettre sur orbite des énormes satellites parce qu'elle a une soute absolument gigantesque, qu'elle va même vérifier les accords de désarmement. Et ça devient un outil complètement polyvalent. Sauf que dans son principe, elle n'est pas conçue pour faire tout ça. Et utiliser un lanceur pour de grosses charges et mettre des hommes à bord, c'est quand même pas une excellente idée. Et finalement, ce péché de conception et de non remise à niveau, mm-hmm. hein, qui va, eh bien, la navette, elle va le porter pendant toute la durée du programme. Et même quand la station va se développer, et c'est pas la station dont rêvait la NASA, puisque c'est une station russo-américaine, hein, donc on est vraiment sur un tout autre ordre d'idées, eh bien, la navette, elle n'a pas de raison d'être sous la forme technique qui est la sienne. Est-ce que le fait d'envoyer des personnes dans l'espace est véritablement quelque chose que l'on peut se permettre ? Alors on a dit que c'était un luxe inutile, que finalement ça ne nous apprenait rien, et puis on voit que ça reste encore autre chose qu'une balade de santé. Oui, alors je pense qu'envoyer un homme dans l'espace, ça sert essentiellement à apprendre comment les hommes vivent dans l'espace. Donc si on fait ça, c'est qu'on est bien dans l'idée que tôt ou tard, on ira vivre soit dans des stations qui pourraient être des genres de stations-service, hein, qui pourraient représenter effectivement un lieu où on pourrait fabriquer d'autres satellites qu'on mettrait dans l'espace sans avoir besoin de les arracher à la Terre, ou tout simplement ce dont on parle beaucoup quand même aujourd'hui, ce fameux voyage martien qui correspond à 18 mois au total entre l'aller et retour, et donc suppose de savoir comment l'homme résiste, comment l'homme est capable de recréer un environnement, comment il est capable de cultiver des plantes, recycler de l'air, retrouver de l'eau, etc., etc., parce que un voyage martien, vous pourrez pas aller le ravitailler comme on ravitaille la station. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet accident survenu donc avec le lanceur Soyouz, donc heureusement les astronautes ont réussi à revenir sur Terre, mais est-ce qu'il est de nature à compromettre, à faire en sorte que ce programme soit repensé, Isabelle Sourbès-Verger? En fait, un des problèmes aussi des lanceurs Soyouz, probablement, c'est qu'on arrive à la fin de cette période où seuls les Russes étaient capables de transporter des hommes vers l'ISS, puisque les Américains remettent en place, et ça fait des années qu'ils l'ont décidé, et on voit bien que c'est pas facile, puisqu'il y a quand même du retard pas mal sur les vaisseaux privés qui sont censés, Orion et autres, venir desservir la station spatiale. Donc les Russes, eux, ils savent qu'ils sont en fin de cycle. C'est-à-dire qu'effectivement, le nombre de commandes de Soyouz va diminuer et puis la page va se tourner puisque la Station Spatiale Internationale, normalement, elle s'arrête en 2025. Donc, je pense que ça aussi, c'est un élément de fragilité aujourd'hui de la production des Soyouz. Et Ariane, pourquoi Ariane n'envoie-t-elle pas des êtres humains dans l'espace ? Ça, c'est un vieux sujet. En 1985, on avait imaginé de faire un avion spatial Hermès, qui était un petit peu sur le modèle de la navette. Enfin, c'était pas le même principe, mais c'était l'idée. Et il aurait été emporté par Ariane. Évidemment, du spatial habité, ça coûte très cher. Il faut justifier d'une décision politique. Et à partir de la grande conférence interministérielle, justement, de 1985, on se rend compte que le coût supplémentaire que représenterait la certification du lanceur pour mettre des hommes à bord va complètement gréver la logique du programme de lanceur pur Ariane. Et de fait, c'est quand même, je dois dire, là, pour le coup, une décision très réaliste, puisque ça nous évite de tomber dans toutes les erreurs que les Américains ont faites avec la navette. Et ça nous permet de récupérer plus de la moitié du marché du lancement commerciaux, chose dont on a été très fiers jusqu'à ce que SpaceX et les Russes de leur côté arrivent. Mais là, pourquoi ? Parce qu'on aurait tendance à se dire que finalement, ceux qui envoient des satellites dans l'espace avec Ariane n'ont pas du tout envie de perdre des satellites. Est-ce qu'il y aurait une probabilité plus forte que Ariane explose, que si on devait envoyer des astronautes dans l'espace, est-ce que finalement le processus n'est pas suffisamment sûr, Isabelle Sourbès-Verger ? Vous n'avez pas les mêmes contraintes de fiabilité quand vous envoyez des hommes que quand vous envoyez une charge utile, parce que le type d'assurance n'est pas vraiment le même. Je ne confonds pas les hommes avec des masses de ferraille, même si les satellites ne sont pas des masses de ferraille. Mais ça veut dire que ce n'est pas très sûr encore. De toute façon, c'est jamais très sûr. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les déclarations, là, quand ils ont atterri des cosmonautes, a été de dire, mais on sait bien que quand on monte, on prend un risque. Et si vous interviewez n'importe quel astronaute ou cosmonaute, il vous dira que ça fait aussi partie de la grandeur et de la beauté de son métier. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que les États-Unis, justement au moment de l'accident de la navette Challenger, qui avaient prétendu que n'importe qui, et qui d'ailleurs avait fait monter une institutrice, n'importe qui pouvait prendre prendre l'espace, prendre la navette et aller dans l'espace comme ils prenaient l'autobus. Et ça, c'est pas vrai. Et c'est toujours pas vrai. Alors peut-être qu'un jour, ça le deviendra, mais en l'état actuel des choses, être un spationaute, astronaute, ce que vous voulez. Puis c'est d'ailleurs assez amusant de voir que chaque pays a son nom, ce qui prouve bien que c'est quand même pas encore très universel. Eh bien, effectivement, il est conscient et il est entraîné pour faire face aux dangers du vol spatial. Si la capsule Soyouz ne s'était pas détachée, qu'est-ce qui se serait passé ? Ah bah, là, vu que le lanceur avait quitté visiblement son plan d'orbite, ça serait très très ennuyeux. C'est-à-dire que soit le lanceur finissait d'exploser et donc soit il se retrouvait sur une orbite bizarre et là, il aurait fallu faire évoluer le Soyouz pour que... Mais ça veut dire que la capsule, dans ce cas-là, aurait été... dépendait de à quel moment le problème avait lieu et à quel moment la fusée cessait de fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit arrivée suffisamment loin, haut, et qu'elle éjecte la capsule avec une vitesse suffisante pour qu'elle puisse se satelliser. Et bon, c'est bien le problème. Parce que donc là, l'accident s'est déroulé à 50 km d'altitude. Normalement, l'altitude de destination, quelle était-elle ? Ah ben, la station, elle est à entre 150 et 200 km d'altitude, selon les périodes. Il y a toute une histoire de vent solaire qui fait retomber la station, etc. Et donc, en fait, normalement, le vaisseau Soyouz, il l'emporte encore sur, je dirais, une bonne cinquantaine de kilomètres d'altitude, la station, avant que justement on satellise. Le truc avec un lanceur, c'est finalement d'arriver à donner une vitesse suffisante à la capsule pour qu'elle se mette en orbite autour de la Terre. C'est-à-dire qu'il y ait un équilibre entre l'attraction que représente la Terre et la capacité de la capsule à continuer à tourner. Et ensuite, comment vous sortez de cette orbite avec des petites fusées qui sont sur la capsule ? Oui, ben en fait, vous choisissez votre plan d'orbite et votre orbite de manière à ce que vous soyez directement à proximité du lanceur. Et après, dans l'espace, vous n'avez plus de force de frottement, etc. Donc, vous évoluez tranquillement. Et à 50 km, est-ce qu'on considère qu'on est dans l'espace, on est au-delà de l'atmosphère, mais... Alors, l'espace, la définition de l'espace est très compliquée. Pour des tas de raisons, on hésite à en fixer une clairement. Elle est entre 80 et 100 km, selon les critères que vous choisissez, mais à moins de 100 km, vous n'arrivez pas à satelliser, surtout quelque chose quand même d'aussi gros qu'une capsule. Et donc, à 50 km, on court des risques. Alors, c'est mieux que si vous étiez à 80, parce qu'à 50 km, vous retombez sur Terre, je dirais, il n'y a qu'un premier étage, donc votre vitesse est sans doute moins importante que celle que vous auriez plus haut. Et puis surtout, comme la Terre tourne pendant que vous circulez, vous retombez à 50 km, vous retombez sur le territoire kazakh, là où c'est prévu. Après, vous pouvez retomber dans l'eau et ça devient plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ? Dans l'eau, parce que la capsule Soyouz, elle est pas faite pour, elle est faite pour arriver sur Terre. Ah, donc elle flotte pas. Je suppose qu'elle a, si, j'imagine quand même qu'il doit y avoir un système qui fait que la capsule Soyouz pourrait rester un petit peu dans l'eau. Mais enfin, je me suis pas renseignée là-dessus et c'est pas fait pour ça, théoriquement. C'est pas les capsules Apollo. Et lorsque vous tombez de 50 km, est-ce que vous avez ça fait parachutes. Mal? Non, vous avez des parachutes. Je pense que quand, ça n'a pas dû être une partie de plaisir, puis ça a dû être assez désagréable sur le plan psychologique, j'imagine. Mais non, les cosmonautes sont habitués à encaisser des situations physiques qui sont parfois plus dures que celles-là, y compris d'ailleurs le retour sur Terre. Quand la capsule normalement revient sur Terre, il arrive que parfois le retour se fasse dans des conditions moins douces que d'autres, et dans ces cas-là, les cosmonautes expliquent quand même, ça peut être physiquement assez éprouvant. Donc tout ça, ça nous rappelle que l'espace, c'est haut, Isabelle Sourbès-Verger. Ça nous rappelle que l'espace, c'est pas fait forcément pour envoyer des hommes, que les lanceurs, c'est une technologie qui existe depuis les années 50 et qu'on n'a pas encore inventé des moyens plus doux d'aller dans l'espace que d'allumer des gigantesques fusées avec des ergols, et qu'à partir de là, et bien, effectivement, ça devient dangereux. Et oui, l'espace, c'est à la fois, c'est ça aussi qui fait rêver et qui fascine. Et puis en même temps, ben oui, bien sûr, c'est difficile. Merci Isabelle Sourbès-Verger. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Nicolas Slimani à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.